Ici Jean-François Baudry, directeur général de la Maison funéraire Hébert et fils. Le temps des fêtes nous donne l'occasion de vous redire merci pour la confiance que vous nous témoignez. La direction ainsi que les membres du personnel se joignent à moi pour vous transmettre leurs meilleurs vœux du temps des fêtes. Que ces moments privilégiés passés en famille demeurent à jamais gravés dans vos mémoires. La Maison funéraire Hébert et fils vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année. Le personnel et la direction de Météo GBL profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbeau-Missassigny au numéro de téléphone 418-276-6102. Pour tous vos travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. C'est évidemment, le patinage de vitesse est tellement populaire, nos athlètes performent tellement bien au niveau du Saguenay-Lac-Saint-Jean qu'on n'a pas le choix de faire une rétrospective également du patinage de vitesse. On va le faire avec notre collaborateur François-Louis Robert. Salut François. Salut, moi aussi je trouve qu'il n'y a pas le choix au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah non, non, regarde, écoute, je ne suis pas sûr François en passant que vous recevez autant d'appels que du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De la fédération de patinage de vitesse sur côte à piste. On est tellement populaire, on a tellement des bons athlètes qu'on n'a pas le choix à Saint-Jean de couvrir probablement plus le patinage de vitesse que les autres régions. Ah non, totalement. Juste un exemple, cette année, au mois de novembre, on était en action là, au Centre Georges Vézina pour la qualification nationale, donc une compétition courte piste juste en dessous de nos meilleurs Canadiens, là, mais... c'est sûr qu'il y a une bonne réponse dans votre région. Le quotidien était là chaque jour. On a eu des papiers dans les journaux avant, après. La radio en a parlé. Vraiment, c'est super le fun puis motivant pour les athlètes puis pour les organisateurs de voir que ça bouge. Puis surtout que les gens connaissent ça de plus en plus aussi. C'est ça qui est le fun. Ben oui, et pas juste ça. Moi, on se parle tout le temps pour du côté le volet Marie-Anne Saint-Gelais, Cassandra Bradette. Mais j'ai un autre collaborateur également que tu connais très bien, David Simard, qui s'exprime très bien également, qui lui couvre est entraîneur au Centre Marc-Gagnon. Et lui, il couvre les activités un petit peu plus des patineurs en dessous, donc l'avenir. Donc, c'est pour te dire comment c'est très populaire, le patinage de vitesse ici-là. Ben oui, non, c'est super. Puis non, je ne savais pas que David collaborait aussi. Puis David est un très bon collaborateur pour nous aussi. À Chicoutimi, il gère son équipe, puis son équipe a de très bons résultats. Mmh. Oui, effectivement. Bon, on va y aller avec nos patineurs du secteur. On va commencer par Marie-Anne Saint-Gelais. Quel genre d'année que Marie-Anne a connu? Encore une année, j'imagine, très régulière à la Marie-Anne, quoi? Ben oui, c'est ça. J'espérais qu'on commence par Marie-Anne, parce que je dirais que c'est 2016, ça a pas mal été l'année Marie-Anne Saint-Gelais. Ouais. Elle a vraiment une saison. La saison dernière est incroyable, mais disons qu'on reste à 2016. Vice-championne du monde. Elle est championne du monde aux 1500 mètres. Elle est médaillée d'argent aussi aux 500 mètres, puis au relais. Donc, elle a eu des championnats du monde l'an passé à Séoul. Incroyable. C'était la première fois qu'elle était championne du monde sur une distance. Donc, juste ça, c'était super bon. Puis, ça lui a d'ailleurs valu à la Fédération de patinage de vitesse du Québec. Elle a été élue athlète de l'année en courte piste. Puis, ça faisait depuis 2002 qu'il n'y avait pas eu une femme qui avait gagné ce titre-là, parce que c'était pas mal tout le temps Charles Hamelin et compagnie. Oui. Mais c'est juste pour dire qu'elle a eu une saison incroyable l'année dernière. Puis là, 2016, donc, c'est cet automne, 4 Coupes du monde. Elle est à 6 médailles en 8 courses. Dont une médaille d'or. Elle est vraiment c'est une superbe année. Tu disais constance, puis c'est exactement ça. Il y a une Coupe du Monde, on le sait qu'elle va être sur le podium presque à chaque course. Puis on le sait qu'elle va être qu'elle va pouvoir se battre pour une médaille d'or tout le temps. Là. Donc c'est vraiment impressionnant qu'elle continue à le faire aussi de façon aussi constante. Et je te dirais que Elle veut gagner toutes les courses. Je viens de faire une entrevue avec elle, là, j'ai fait une entrevue la semaine passée avec elle pour parler de la Coupe d'Asie, les portions de l'Asie. Puis elle me dit, elle dit, non, je suis pas contente. Elle dit, moi, je veux gagner toutes les courses. Tu sais, avant, Marianne, c'était le 500 mètres, tout simplement. C'était sa spécialité en début de carrière. Là, maintenant, elle peut aussi bien gagner au 1500 qu'au 1000, qu'au 500. Oui, puis c'est ce qui fait aussi parce que tu sais, ces athlètes-là visent, oui, des médailles en Coupe du Monde, mais ils visent des titres en championnat du monde, puis aux Olympiques ultimement. Mais sa constance fait qu'elle va arriver au championnat du monde cette année, puis justement, elle vise pas peut-être une médaille, elle vise des médailles dans chaque course, puis elle vise la plus haute marge du podium dans chaque course, puis c'est ce qui fait d'elle, c'est ce qui fait que je dis que c'est l'athlète de 2016 pour notre sport. OK. Moi, je veux te parler aussi, ben, c'est sûr que l'autre athlète qu'on surveille de près, c'est Cassandra Baudette, parce que c'est plus notre secteur de Saint-Félicien. Cassandra qui a continué vraiment... Moi, je l'aime, Cassandra, François, parce que, regarde, Marianne et Cassandra, je les ai suivis depuis... Marianne, je la suis... elle n'était même pas populaire comme ça. Là, personne ne la connaissait, donc je les connais depuis longtemps. Mais dans le cas de Cassandra, le fait qu'elle est sur l'équipe nationale, elle est peut-être pas... peut-être pas les outils pour gagner des courses comme Marianne ou les Marie-Ève Dolin, ainsi de suite, mais elle a eu tellement d'obstacles, puis de l'avoir sur l'équipe canadienne, elle a été blessée au genou, elle a eu plusieurs obstacles dans sa vie. Moi, de l'avoir sur l'équipe canadienne, je suis content de l'avoir là. Ouais, je comprends, puis ce qui est super dans son cas, c'est que justement, bon, là, elle est sur l'équipe, elle est basée sur l'équipe là, cette année, juste cette saison, en 4 Coupes du Monde, les filles ont fait 3 podiums au relais. On entend moins parler parce que le relais, c'est une course en équipe, mais ça reste que Cassandra est montée 3 fois cet automne sur le podium grâce au relais. Donc, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Ça prend une patineuse, une des meilleures au monde. Puis, dans son cas, un gros fait saillant de 2016, c'est qu'elle a remporté sa première médaille en carrière au championnat du monde. Donc, à Séoul, elle a remporté le bronze au 1000 mètres, puis également l'argent au relais. Mais le bronze au 1000 mètres, une distance individuelle, finir la saison dernière là-dessus, c'était super gros pour elle. Et justement, c'était un peu de dire, oui, tu sais, on entend souvent Marianne, puis en plus les deux viennent de Saint-Étienne, tu sais, on entend souvent parler de Marianne, mais Cassandra, cette fois-là, est montée sur le podium de la plus grosse compétition de l'année. Puis elle a impressionné, puis effectivement, elle est le fun à suivre, Cassandra. Ah ouais, vraiment le fun à suivre. Et il y a une athlète qui m'épate de plus en plus, c'est Marie-Ève Drolla, qui est revenue à la compétition, à la haute compétition de cette année. En plus de ça, je pense que ça faisait un an qu'elle était absente. Elle recommençait à zéro, ça reclasse sur l'équipe canadienne, mais non seulement, puis François, tu sais très bien de quoi je parle. Elle a un enfant, elle a une petite fille, donc faut qu'elle... Puis ça, on en a parlé dans nos chroniques. Il faut vraiment tout conjurer ça allier ça, le rôle de maman puis d'athlète de haute technologie, haute pointe. C'est vrai, ça demande beaucoup, là. Et moi, Marie-Ève Drolla m'a impressionné beaucoup en 2016. C'est impressionnant, certain, puis... Sur la glace, hors la glace, c'est un modèle. J'ai regardé ça tantôt, là, juste avant qu'on se parle. Marie-Ève Drolla, elle a une bonne carrière junior, mais après ça, elle a été médaillée au championnat du monde junior, championnat du monde tout court, le médaillé individuel, en 2000-2001. En 2001, elle était médaillée au championnat du monde. Puis là, elle est partie du sport, elle est revenue, elle a eu un enfant, une petite fille. C'est sa première année complète depuis qu'elle a eu son bébé. Puis là, cet automne, elle vient de monter 2 fois sur le podium en Coupe du Monde individuel. C'est 2 fois 2 podiums, un au 1000, un au 1500, en plus des podiums au relais. Donc, quand on parle d'une fille impressionnante pour l'ensemble de sa carrière, puis pour, tu sais, on parlait que Cassandra a eu des obstacles. Marie-Ève, elle, a eu un cheminement particulier. C'est elle qui est partie du sport pour y revenir, puis elle a eu un enfant, tout ça. Mais c'est vraiment incroyable comme qu'est-ce qu'elle est en train de faire, puis c'est motivant pour toute l'équipe aussi. Il n'y a pas juste les jeunes qui poussent, il y a aussi Marie-Ève Drolla par en haut qui pousse sur l'équipe, puis qui est une des filles les plus dominantes. OK. 2016 était également l'année de, on va y aller chez les gars, l'éclosion d'un talent extraordinaire, Samuel Girard, qui est un autre du Saint-Lac-Saint-Jean. Oui, Ferland et Boileau. Ouais. Samuel, l'an passé, fin 2015, en Coupe du Monde, il gagne ses premières médailles, d'or aussi en Coupe du Monde. Mais là, on parle de 2016. Donc, 2016, championnat du monde, comme les autres, est monté sur le podium aussi. Ils ont remporté sa première médaille donc en championnat du monde. C'était au 1000 mètres, c'était l'argent, puis c'était une course qui a marqué un peu l'imagination parce que c'était le jeune Samuel qui finit deuxième derrière son ami mentor Charles Hamelin. C'était une super course. Il y a eu des super photos de ça, des deux qui s'enlacent après la course. Le jeune et le vieux, les deux se respectent énormément. Ça, c'est un gros moment. Moi, si on me demande mes moments forts de 2016, là, je dirais que ça, c'est un gros, gros, gros moment. La compétition la plus importante de l'année, les deux ensemble sur le podium. Puis depuis, ben Sam, il a une bonne saison. Il connaît une bonne saison aussi cette saison. Donc, oui, un talent qui est clos. Totalement, il est clos en 2015. Puis en 2016, il a montré qu'il a sa place. Puis c'est un des leaders incontestés de l'équipe. Ah, effectivement. Il y a un gars que Charles Hamelin, tu dis-tu qu'il est sur la pente descendante? Il y a un début de saison difficile. Puis difficile, c'est peu dire par rapport au talent de Charles Hamelin. Charles Hamelin, depuis, je pense, comme 2002, Charles Hamelin est toujours sur le podium. Non, pas 2002, j'exagère. Peut-être 2004-2005. Mmh. Charles Hamelin est toujours sur les podiums en Coupe du Monde. Mais il l'est toujours. Là. S'il n'est pas sur un podium de Coupe du Monde, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Mais là, il y a eu de la difficulté. Il y a eu de la difficulté cette saison. Donc, il a commencé la saison, les trois premières Coupes du Monde, il a juste eu une médaille. Puis en plus, c'était une médaille où c'est une drôle de course. Là. Il y avait une chute dans la course. Mais, cela dit, il vient de finir le chapitre là, de la saison 2016 des Coupes du Monde. Il vient de finir avec une médaille d'or en Corée. Au 1000 mètres. Puis aujourd'hui même, je lisais un texte sur lui qui il s'est mis à douter énormément dans les dernières semaines. Vraiment beaucoup. Tu sais, on est en train de parler, il est sur la pente descendante, tout ça. Mais lui, il se posait la question, pas s'il était sur la pente descendante, mais il se demandait ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passe? C'est-tu parce que c'est-tu mes lames? C'est-tu parce que je suis mon entraînement? C'est-tu parce que je mange ci? Je fais ça dans ma journée? Il était vraiment rendu à se poser énormément de questions. Mais on dirait que juste cette médaille d'or-là, parce que c'est pas banal d'avoir une médaille d'or en Coupe du Monde, pour Charles Hamelin, c'est banal parce qu'il y en a énormément, mais il disait que cette médaille-là qu'il vient juste d'avoir en Corée, cette médaille-là, pour lui, avait la valeur d'une médaille olympique tellement que ça vient le soulager, puis ça vient lui confirmer que, non, il est encore dans la game, il est encore un très, très bon patineur, si ce n'est pas un des meilleurs patineurs au monde, puis il est moins dominant, là. Bon, on est obligé de le dire, cet automne, il était moins dominant, mais il est encore excessivement bon, puis ça va être de voir début 2017 qui va arriver. Puis comme on dit dans chaque fois qu'on se parle, début 2017, ça va vite, c'est les championnats canadiens en janvier, c'est les Coupes du monde, championnats du monde, puis après ça, on s'entraîne, parce que déjà au mois d'août, c'est les sélections olympiques. Donc, Charles Hamelin est peut-être moins dominant, en tout cas, non, je dirais pas il est moins, je dirais qu'il a été un peu moins dominant dans les derniers mois, mais je le compterais vraiment pas comme battu. Là. Il est encore un des meilleurs patineurs au monde. Donc, si tu veux, on va faire une pause. On revient dans quelques instants. Il y a beaucoup de publicité à le temps des fêtes. Vous êtes à l'écoute de la rétrospective du patinage de vitesse sur courte piste. En ce moment de réjouissance, Mme Josée Turcotte, propriétaire de l'école Conduite Technique, aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à sa clientèle ainsi qu'à toute la population. Paix, bonheur, santé, ce sont les vœux de la direction et du personnel de l'École de conduite technique située au 1531 boulevard Walberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-3708. La direction et le personnel du restaurant Midas vous souhaitent de joyeuses fêtes. Paix, santé et bonheur sont les vœux du propriétaire, M. Danny Potvin, qui vous invite à venir goûter son nouveau poulet frit qui fera le délice de tous. Le restaurant Midas est situé au 1084 route 169 Saint-Félicien, au numéro de téléphone 418-679-0900. Depuis plus de 40 ans, l'équipe de Hydromec déploie tous les efforts nécessaires afin de bien servir sa clientèle. En cette période de réjouissance, l'équipe de Hydromec ainsi que le personnel souhaite joyeux Noël et bonne année à toute la population. Hydromec au 2921 boulevard Walberg à Dolbeau-Mistassini au 418-276-5831. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien aimerait souhaiter de joyeuses fêtes à toute la population. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien est un employeur important dans le comté puisqu'il possède des camions de transporteurs et des chargeurs de bois. Les bureaux de la coopérative de camionneurs sont situés au 905 boulevard Amel à Saint-Félicien, au téléphone 418-679-4194. On est de retour à DanRadioSport.com. Avant de parler de 2017, qui sera une année très, très importante, François, on va parler de Valérie Maltais. Encore une fois, cette année, quand on parle d'athlètes qui semblent avoir plafonné, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que Valérie... Moi, là, depuis son histoire de patin à roues alignées, moi, je pense qu'elle n'est plus la même. Ouais, il y en a qui pensent ça, mais ben, tu sais, le patin à roues alignées, ce que ça fait, c'est notamment que ça on s'entraîne fort l'été, mais les autres personnes aussi s'entraînent fort l'été, mais on s'entraîne d'une façon différente. Mais tu sais, si on regarde comme l'an passé, la saison 2015-2016, donc elle a fini la saison 2016, elle était quand même au deuxième rang du classement général de la Coupe du Monde au 1000 mètres. C'est quand même deuxième rang au 1000 mètres, donc on prend une distance. Dans cette distance-là, sur toute l'année, elle a été deuxième au monde. Puis cette saison, c'est vrai que c'est un début de saison plus difficile. Fait que je sais pas si on peut dire qu'elle plafonne, mais en tout cas, c'est sûr qu'elle cherche ses repères. Ça fait moins deux ans de ça. Ouais. Je pense qu'elle cherche un peu ses repères, puis elle cherche un peu de façon d'être plus constante dans ses courses, parce qu'elle a fait des finales hein, cette année. Elle a fait une finale en Coupe du Monde. Elle était au pied du podium. Tu sais, quand on est au pied du podium en Coupe du Monde, c'est pas rien. Mais elle a aussi eu des courses moins bonnes. Donc, moi, je pense que c'est cette stabilité-là qu'elle cherche. Puis, on allait parler de 2017. Là, ben, dans son cas, ça va être de le trouver assez rapidement pour pouvoir être au sommet dans les compétitions importantes. Pour pouvoir encore une fois représenter le pays aux Olympiques. Effectivement. Puis il va y avoir de la lutte là, bientôt. Là. Oui, je comprends. Oui, donc 2017 sera une année olympique. Donc Pyeongchang, j'ai parlé avec Marianne, j'ai fait une entrevue. Elle a beaucoup, beaucoup apprécié l'aréna où sera présenté les Jeux Olympiques. Écoute, là-bas, c'est en Corée du Sud, c'est leur sport national. Hein. C'est la même. Charles Hamelin est plus connu en Corée du Sud qu'au Canada. Donc, c'est plutôt c'est dur à croire, mais tout à fait. Oui. Donc. Je pense que Charles et Marianne, je pense qu'ils peuvent se promener à Montréal ou un peu n'importe où au Québec sans se faire achaler. Tu sais, mais en Corée du Sud, je suis pas mal certain qu'ils ont des gens qui regardent, puis qui reconnaissent, puis qui savent c'est qui, parce que c'est des vedettes, puis c'est leur sport national, puis ils le prouvent aussi sur la glace. Là. Les Coréens sont pas mal les meilleurs au monde. Avec les Canadiens, il y en a quelques-uns, là, mais ils sont forts. Ça me fait penser à Georges Saint-Pierre, qui était plus que nous au Japon, puis en Corée du Sud, au Japon, puis aux Philippines, qu'au Canada. Oui, totalement. Ouais. Donc, là-dessus, donc, et c'est une année olympique particulière, c'est une année de rodage. Donc, on dit que c'est une. Donc, pour Marianne et toute l'équipe, certainement qu'on voudra bien se préparer pour la Coupe du Monde. Oui, bien, c'est ça. Là, l'année commence, on est au championnat canadien début à mi-janvier. Donc là, on est au championnat canadien pour se classer pour les deux Coupes du monde qui restent, mais surtout pour les championnats du monde. Donc, championnat du monde, c'est la grosse compétition de l'année. C'est l'année avant les Jeux. C'est sûr qu'on veut aller prendre, aller chercher de la confiance. Ensuite, petit mini-repos début avril, puis après ça, on repart. Puis là, c'est on s'entraîne là, sans relâche jusqu'au mois d'août. Puis au mois d'août, c'est les sélections olympiques. Sélections olympiques, c'est pas compliqué. On est là, toute l'équipe canadienne, tous les coéquipiers qui sont ensemble. Puis c'est à qui la chance d'aller aux Olympiques? L'équipe va être sélectionnée là. C'est une grosse compétition. C'est assurément l'une des compétitions les plus stressantes, les plus demandantes, parce que ça passe ou ça casse. Hein. Une Coupe du monde, on peut se reprendre la prochaine. Un championnat du monde, il y en aura un l'an prochain. Mais des Olympiques, il y en a les prochains sont dans 4 ans. Hein. Donc, ça va être une grosse compétition. Les Canadiens, surtout que là, on est comme dans une période où il y a nos têtes d'affiche dont on entend souvent parler, mais il y a les plus jeunes qui sont en train de monter puis qui vont vouloir, eux, ils croient que ça va être leur chance en 2018. Donc ça va être ça un peu, les plus jeunes contre les plus vieux, puis à qui la place. Ouais. Marianne, c'est probablement ses derniers Jeux olympiques, donc des grosses chances qu'elle va voir connaître une grosse année. Ben, François, gros merci, fort apprécié, c'est fort intéressant encore une fois, parler de patinage de vitesse sur côte de piste. Écoute, c'est pas mon sport, mais comme je te l'ai dit en début d'entrevue, on n'a pas le choix d'en parler, c'est tellement populaire au Saint-Jean, juste avoir l'équipe canadienne, que ce soit au côté développement ou l'équipe nationale, pas le choix que le patinage de vitesse ou au Saint-Jean, que ça fasse, qu'on en parle régulièrement, puis bravo et merci, puis joyeuse fête à toi. Ben merci, joyeuse fête, puis on apprécie beaucoup justement, oui, on a des patineurs qui ont du succès, mais on apprécie beaucoup quand des gens comme toi veulent en parler, puis on se reparle assurément début 2017. Oui, effectivement, donc notre collaborateur de patinage de vitesse sur côte de piste, François-Louis Robert.